Chapitre 4e. Paris, le 15 juillet 1870 et quelques. Chers parents, chers frères, le courrier anglais part demain de Southampton pour les Guyanes. Dans 22 jours, la goélette Maroni Packet, qui a depuis peu remplacé notre Tropic Bird, quittera Suriname pour le Maroni. 8 jours après, cette lettre vous arrivera à l'habitation, la France équinoxiale. Elle nous précédera de 3 semaines. Enfin, je vais donc vous revoir après une interminable absence de 10 mois. Nous sommes, Nicolas et moi, en proie à la fièvre du départ, fièvre moins dangereuse que celle des grands bois, mais tout aussi violente. J'ai assez de Paris, bien que j'aie appris à l'aimer en le connaissant. Je conviens pourtant que c'est le séjour que je préfère, après celui de la forêt vierge, bien entendu. Il me faut l'extrême civilisation ou la nature dans sa sauvagerie primitive. Je n'admets pas de milieu. Mon adaptation à cette vie nouvelle a été rapide, en somme, et la série des étonnements bientôt épuisée. Mais combien j'eusse été perdu dans cette solitude bourrée d'êtres humains, où l'étranger se trouve plus isolé peut-être que dans nos bois, si je n'avais eu pour guide mon brave Nicolas. J'étais bien le sauvage que l'éternel brouhaha de la grande ville abrutit littéralement. Je ne voyais que des maisons énormes juxtaposées à d'autres maisons, comme si nos arbres géants succédant à d'autres arbres, des champs affairés courant par milliers comme une armée de fourmis manioc, ou des industriels vociférant dans les rues à rendre des points à tous nos singes hurleurs. Il m'était impossible de rien distinguer à travers la foule, la poussière, les voitures, la boue, la fulguration des lumières ou les embarras des voies. Non, jamais Européen ne peut être aussi emprunté quand il a devant lui 5 millions d'hectares de forêt vierge que je le fus à mon arrivée à Paris. Heureusement, je le répète, j'avais Nicolas, qui est une véritable boussole complétée d'un guide de voyageurs. Et maintenant, votre petit sauvage s'est monté en chemin de fer comme une personne naturelle. Les tramways ne l'effarent plus, et la vue de la lumière électrique ne lui fait plus pousser les hauts cris. Il a visité le Louvre, travaillé à la Bibliothèque nationale, suivi quelques cours à l'École des mines, étudié au Muséum d'histoire naturelle, et parcouru je ne sais pas combien de magasins de toutes sortes. Nos achats sont enfin terminés, et j'apporte tout un stock de livres, d'armes, d'effets d'habillement et d'équipements, sans oublier la série d'instruments et d'outils agricoles, ainsi que les machines indispensables à nos futures exploitations. Tout cela est paré à prendre la mer. Il y a le chargement d'un 3-mâts. Je n'ai rien épargné, et vous serez content. Nous sommes d'ailleurs scrupuleusement conformés à la consigne, qui était de dépenser beaucoup afin de gagner du temps. C'est fait, et nous revenons. Décidément, l'ennui m'envahit de plus en plus. Nicolas aussi. Il veut vous embrasser et manger de la pimentade d'Aymara. Ici, l'on ne trouve que du goujon et l'on n'a pas la ressource d'enivrer la Seine avec le Nicou. Il fait une chaleur infernale. Le bitume mollit sous les talons et transpire comme des gargoulettes. Nous avons eu 37 degrés à l'ombre. Et l'on prétend que la Guyane, avec sa température moyenne de 27 degrés, est l'enfer des Européens. Il est vrai que nous avons eu au mois de janvier 15 degrés au-dessous de zéro, avec un vilain accompagnement de neige et de glace. Angosso eût bien ri s'il m'eût vu engoncé dans une pelisse doublée de fourrure avec un collet de loutre coiffé d'un bonnet fourré et ficelé comme un esquimau. Je déteste l'hiver et j'étouffe dans ces cases banales que l'on appelle chambres d'hôtel et les restaurants. Oh, ma chère vie de famille, avec ces doux entretiens, ces bons épanchements si sincères et ces saines joies si complètes, encore 3 semaines d'attente. Encore 2 000 lieues à parcourir avant de goûter ce bonheur. Nicolas, qui lit par-dessus mon épaule, a les yeux rouges en pensant à vous. Il s'oublie à parler créole et murmure comme autrefois notre bon Casimir, ça même. Quant à moi, j'ai la poitrine serrée, j'étouffe, et je vois trouble en évoquant par la pensée votre image à tous, en prononçant à haute voix vos noms, pour avoir un moment l'illusion de votre présence. Maman, papa, Henri, Edmond, Eugène, je vous vois, je vous parle, je vous entends. Tenez, j'aime mieux vous l'avouer, le petit Robinson pleure en pensant aux êtres bien-aimés qui l'attendent là-bas, dans sa chère Guyane. Je ne veux pas fermer ma lettre sans vous raconter un épisode bien touchant de notre séjour ici. Tout l'honneur en revient à Nicolas, dont vous connaissez l'excellent cœur et dont les sentiments respirent la plus exquise délicatesse. Viens, me dit-il avant-hier matin. « Où allons-nous ? » lui demandai-je. « C'est mon secret. Laisse-moi faire, tu seras content. » Nous sortîmes à pied de notre hôtel de la rue Vivienne et nous arrivâmes après une course assez longue à une rue étroite située de l'autre côté de la Seine. Nous nous arrêtâmes à une grande maison d'aspect misérable, puis nous enfilâmes un grand escalier sombre, marche humide. Arrivé au 6e étage, Nicolas s'arrêta presque défaillant. « C'est là, » me dit-il d'une voix étranglée par l'émotion, en me montrant une porte peinte en jaune creux, et sur laquelle était une petite pancarte avec ces mots, « Madame D, fleurs artificielles. »« Oui, c'est là, » m'écriai-je. Et le souvenir, déchirant le voile étendu sur le passé par 20 années d'absence, je reconnus la mansarde de la rue Saint-Jacques. Nous entrâmes. Une femme en grand deuil, pâlie par le chagrin, se leva à notre aspect. 3 enfants en bas âge la regardaient avec cette expression d'inconscience douloureuse, particulière à ceux qui n'ont jamais connu la joie. Un bébé de 3 ans à peine haletait dans un berceau. « Tu te rappelles, n'est-ce pas, mère, notre dernier jour de l'an à Paris ? J'avais 3 ans alors, et pourtant, ce souvenir est aussi vivant en moi qu'au premier moment. À la vue de cette mère en deuil, de ses enfants en larmes, j'éprouvais comme un dédoublement de mon être. Il me sembla redevenir l'enfant du proscrit et voir devant moi la veuve du mort-vivant. L'illusion était d'autant plus complète que je sentais palpiter comme jadis le drame de la misère et de la douleur. Il y a véritablement sur terre des endroits maudits. J'expliquai le but de notre visite, qui était un pèlerinage au lieu de nos souffrances. L'inconnu, confiante comme les désespérés, nous ouvrit son cœur et s'épancha près de nous. Son histoire, hélas, pouvait se résumer en quelques mots. Son mari, un honnête ouvrier, brisé par le travail, à l'hôpital depuis 2 mois, les ressources de son travail insuffisantes déjà supprimées par le chômage, puis la misère, puis, pour comble d'infortune, son dernier né à l'agonie. « Madame, lui dis-je en la quittant, prenez confiance. Pendant que mon père était au bagne, ma mère a souffert et lutté comme vous. Mes frères et moi avons enduré comme vos enfants la vie de misère, mais des amis inconnus nous ont sauvés. Cette similitude de destinée, cette infortune supportée en même lieu et dans des circonstances presque identiques, doivent avoir le même dénouement. Laissez-nous jouer près de vous le rôle que nos bienfaiteurs ont rempli vis-à-vis des miens. » Et comme elle se taisait, tout interdite, « Madame, repris-je, au nom de ma mère, acceptez pour vos enfants cette offre fraternelle. Je suis le plus jeune de la famille. Mon berceau était là, où est votre enfant malade. Laissez-moi l'embrasser, le cher petit. » Je déposai un baiser sur le front du bébé. Je mis près de lui un rouleau de 1000 francs et nous partîmes brusquement. Nous n'en resterons pas là, n'est-ce pas? Et nous continuerons cette bonne œuvre à laquelle je vous associe de cœur et d'esprit. En attendant le bonheur de vous serrer dans nos bras, nous vous embrassons de cœur. Charles. P.S. Dans 6 semaines, nous remonterons le Maroni. La lettre portait l'adresse suivante, Monsieur Robin, propriétaire, à l'habitation La France équinoxiale, Maroni, Guyane française. L'on était au 12 septembre, et le destinataire de cette lettre, parvenu à son adresse depuis près d'un mois, attendait de jour en jour les 2 voyageurs. Ceux-ci auraient dû être arrivés déjà. Il s'était embarqué le 6 août sur un des magnifiques vapeurs de la Compagnie Générale Transatlantique à l'allure de cétacés, qui filent gaillardement 12 000 à l'heure et débarquent au bout de 14 jours à la Martinique leurs passagers pour les Guyanes. Ceux-ci prennent alors le bâtiment annexe chargé du service intercolonial et arrivent en 8 jours à Cayenne auprès de rapides escales à Sainte-Lucie, Trinidad, Demerara et Suriname. La traversée de Cayenne au Maroni s'aperçoit sur le joli vapeur Dieu merci appartenant à la compagnie Seyd, soit sur des goélettes nommées Tapoui, qui aidées du courant et du vent du nord-ouest peuvent, au bout de 36 heures au plus, jeter l'ancre en face de Saint-Laurent. Le Dieu merci opère régulièrement 3 voyages par mois et les Tapoui partent à la volonté des affréteurs. De Saint-Laurent, il ne faut pas plus de 4 jours pour se rendre au Sault Peter Sungu, situé par 56 degrés 15 minutes de longitude ouest et 5 degrés 15 minutes de latitude nord. Les 2 hommes eussent pu arriver au bout de 30 jours, en admettant que la traversée se fût passée normalement et que leurs affaires ne les eussent retenues que 48 heures. Comme on était au 12 septembre, ils étaient impatiemment attendus depuis 6 jours. Ceux qui ont bien voulu s'intéresser aux Robinson de la Guyane et les suivre à travers les dramatiques événements contenus dans le récit qui a pour titre Le secret de l'or, n'ont pas oublié le proscrit Robin et son intrépide famille. Une nouvelle période de 10 années s'est écoulée depuis le moment où le forçat politique apprit qu'il était libre en perdant son vieil ami, son sauveur, le noir Casimir, assassiné par l'ancien garde-jourme Benoît. Cette seconde phase de l'existence des Français de l'Équateur, bien remplie par l'étude et le travail, a été heureuse. L'ingénieur n'a pas vieilli. C'est le même athlète aux muscles de fer, aux traits fiers et sympathiques, à l'œil profond, au sourire bon et pensif. Il est âgé de 55 ans et en porte 10 de moins, bien que ses cheveux soient devenus d'un blanc de neige. Son héroïque femme est toujours la même, avec sa fine et délicate pâleur de parisienne, son doux visage d'heureuse mère et d'épouse dévouée. Les années ont également glissé sur son organisme frêle en apparence, mais auquel une âme d'élite a donné une incroyable résistance, comme la trempe à l'acier le plus pur. Ses fils sont devenus des hommes faits. On dirait en les voyant 3 éditions de la statue du père quand il avait leur âge. Un seul manque, c'est Charles, le plus jeune. Il est parti depuis 10 mois avec Nicolas. Ils sont allés en France pour des motifs qui seront prochainement expliqués. Pour la 20e fois, il relisait la lettre du jeune homme qu'un transporté libéré, en résidence à Saint-Laurent, leur avait apporté, en toute hâte, aussitôt que le Maroni Paquette, arrivé de Suriname, le remise au commissaire hollandais d'Albina. Henri avait dit « Si nous allions devant d'eux ?» La proposition de l'aîné des Robinson répondait trop bien au désir de toute la famille pour soulever l'ombre d'une objection. L'habitation avait été laissée à la garde du bonnier Angosso, toujours alerte, toujours solide, passé maille pourrie à sa femme, la bonne Ageda, et à tout un clan de négrillons, leur petit-fils, issu de l'union de leurs enfants Lomi et Bachelico avec 2 femmes de leur tribu. On s'était embarqué dans 2 belles pirogues, conduites l'une par Lomi, l'autre par son frère, secondaires tour de rôle dans la manœuvre de la pagaille par les 4 Européens. Ils avaient fait halte sur la rive droite du Maroni et s'étaient installés sous les grands arbres pour laisser passer l'accablante chaleur du jour. Henri venait de lire une dernière fois à haute voix la lettre de son frère et des larmes d'attendrissement avaient coulé de tous les yeux au récit du touchant épisode qui la terminait. Lomi, en faction sous une ébène couverte de fleurs d'or, inventoriait de son œil émerillonné l'immense nappe d'eau lisse comme un fleuve de métal en fusion. Madame Robin rompit la première ce silence plein d'émotion. « Charles et Nicolas tardent bien, » dit-elle de sa douce voix, en regardant d'un œil vague le fleuve géant sur la surface duquel flamboyait le soleil. « L'impatience me dévore, et je ne sais quelle angoisse m'étreint. J'ai beau réagir contre cette inquiétude douloureuse, tous mes efforts sont inutiles. » « Voyons, mère, » répondit Henri affecté de cette tristesse, « chasse bien vite ces vilaines pensées, la distance est si longue pour venir de France ici. »« Tu sais bien, » continua Edmond, « que les causes susceptibles de retarder un voyage au long cours sont nombreuses, bien que la plupart du temps, la navigation soit exempte de danger. Le vent contraire a pu entraver la marche des tapouilles. » « En admettons, » interrompit Eugène, toujours espiègle, en dépit de ses 26 ans et de sa magnifique barbe brune, que Charles ait employé ce procédé de navigation inspiré des tortues. Maman Totilamé, il courit passer tapouille. Maman tortue de mer court plus vite que la tapouille. La saillie de son fils ne put dérider Madame Robin. À moins, continua le jeune homme, qu'il n'ait eu, Nicolas et lui, la lumineuse idée de s'embarquer sur le Dieu merci. Je n'ai pas l'intention de calomnier la compagnie qui fait les plus louables efforts pour être agréable aux passagers, mais les relais de cette estimable diligence d'eau salée sont quelquefois très longs. De plus, quand le Dieu merci arrive à Mana le samedi, cet excellent capitaine métro est bien heureux de passer à terre la journée du dimanche. Cela fait 24 heures et quelquefois 36 heures de retard. Il arrive parfois aux vapeurs d'érailler sa coque sur les rochers ou de piquer son avant dans la vase. Rappelle-toi notre dernier voyage à Cayenne et les péripéties qui ont agrémenté le retour. Enfin, nos voyageurs n'auront peut-être pas trouvé à Saint-Laurent l'embarcation prête à partir. Tu le vois, le champ des hypothèses est très vaste, sans qu'il soit besoin de s'alarmer d'un retard facilement explicable. Tu ne l'ignores pas, mon cher enfant, rien ne saurait prévaloir contre une vague anxiété que l'on ne peut pas formuler et qui échappe à toute définition. J'appelle en vain à mon secours le raisonnement. L'angoisse augmente, quoi que je fasse. Tu sais bien pourtant que je ne suis guère pusillanime et que la vie dans les forêts m'a singulièrement aguerri. Cette impatience, bien que naturelle au moment suprême où la famille entière allait être réunie après une si longue absence, frappa Robin. Ses traits restèrent impassibles, mais la persistance de l'anxiété chez une aussi vaillante créature se communiquait inconsciemment à son âme. L'immobilité lui pesait. Il voulait aller plus loin, tourmenter le manche d'une pagaie, voler sur les flots unis et raccourcir ces distances qu'il était en droit de supposer bien minimes. L'heure et l'état de l'atmosphère rendaient malheureusement impossible la continuation de la route. Il fallait rester à terre jusqu'à 3 heures au moins. Eugène s'était tu. Edmond ne trouvait rien à dire. Chacun s'ingéniait, mais en vain, à trouver une diversion. Elle s'offrit bientôt spontanément. Un cri d'oiseau inquiet plutôt qu'effarouché se fit entendre à quelques pas derrière les lianes. « Marail ! Marail !» Les instincts du chasseur se réveillèrent aussitôt chez Henri. Il saisit rapidement un fusil à deux coups, à piston, de fort calibre, acheté à Cayenne, et l'arma rapidement. Au craquement des batteries, succéda un brusque ronflement d'ailes et deux gros oiseaux s'envolèrent en traversant la clairière avec la vitesse de deux projectiles. Deux coups de feu retentirent soudain, et deux marailles, frappées par l'infaillible chasseur, roulèrent lourdement sur le sol. Une détonation éclata dans le lointain, répondant en quelque sorte au coup de fusil du jeune homme. Bien qu'un semblable incident ne soit pas très rare sur le Maroni, qui est la grande voie de communication avec la Haute-Guyane, il est moins commun qu'on pourrait le croire tout d'abord. L'immense chemin qui marche est sillonné de pirogues assez nombreuses, montées par des mineurs se rendant aux placères et chargées de provisions. Ces voyageurs ont bien autre chose à faire que de guetter en plein soleil, une proie souvent absente, et les noirs tout entiers à la manœuvre ne sont guère tourmentés par le démon de la chasse. Aussi, les coups de fusil n'éclatent guère que le dimanche aux alentours des placeurs ou des plantations. Et d'ailleurs, la détonation que venaient d'entendre les Robinson, moins sonore qu'un coup de fusil, avait plus de volume. On eût dit l'éclatement sourd d'une mine fortement chargée. La connaissance approfondie qu'ils avaient de tous les bruits de la forêt leur suggéra aussitôt cette réflexion. Telle n'était pas l'avis d'Eugène, qui prétendit que son jeune frère et Nicolas, ravis de revoir la patrie d'adoption, annonçaient leur arrivée par des feux de peloton exécutés par les équipages réunis. Cette opinion n'obtint aucune créance, mais Eugène, qui lui-même n'en pensait pas un traître mot, voyant l'occasion de faire, pour un moment, trêve à la préoccupation générale, se mit à discourir avec une verve pittoresque dont le brio finit par asséréner un peu sa mère. « Nous allons en avoir le cœur net, » dit Robin. « Le soleil commence à décliner. Nous pourrons bientôt braver impunément ces rayons en nous abritant sous des feuilles de balisier. Somme toute, puisque l'inaction nous pèse à ce point, je ne vois pas pourquoi nous ne partirions pas. » Deux toitures légères furent en quelques minutes adaptées à l'arrière des embarcations, les amarres furent larguées et les Robinson se remirent en route. Lomi et Bachelico, tête nue, en plein soleil, insensibles comme de vrais enfants des bois aux morsures de l'astre équatorial, pagayaient vigoureusement depuis 2 heures, quand le premier retira brusquement sa palette de bois et suspendit son mouvement. La pirogue fila quelques mètres sur son air puis s'arrêta. « Eh bien, Lomi, qu'y a-t-il ? » demanda Robin. « Canot là-bas, beaucoup, côté la crique. »« Tu aperçois des canots et une crique, Lomi ?»« Oui, mouché. Où pas pouvez-vous et l'y voici. »« Alors gouverne dessus, mon enfant. »« C'est vrai, » dit Henri qui s'était dressé bien doucement, dans la crainte d'imprimer des oscillations à la frêle embarcation. « J'aperçois sur notre droite une petite brèche qui doit être l'embouchure d'une crique et une demi-douzaine de canots immobiles à quelques pieds de la rive. » Tous les cœurs battirent à cette nouvelle et les trois jeunes gens, pour aider à la nage, saisirent chacun une pagaie qu'ils manièrent avec une vigueur attestant l'ardent désir qu'ils avaient d'arriver. Au bout d'une demi-heure, on était en vue de 4 embarcations pesamment chargées, 2 coques bonnies avec 2 grands canots pourvus chacun d'amas et pouvant porter environ 10 tonneaux. Un campement était installé à terre, le repas cuisait sur des brasiers et les hommes composant les équipages, au nombre d'une dizaine, faisaient la sieste. Ils étaient 8 noirs et 2 blancs. Les Robinson accostèrent près des étrangers qui leur souhaitèrent la bienvenue. L'ingénieur allait les interroger quand un des 2 blancs se leva brusquement à son aspect en manifestant les signes d'une violente émotion. Il se découvrit respectueusement en dépit des rayons brûlants qui frappaient d'aplomb son front ridé et s'écria d'une voix étranglée « Monsieur Robin !» Robin, étonné, regarda l'homme dont les traits et la voix lui étaient complètement inconnus. « Oh, monsieur Robin, comment ? C'est vous que j'ai le bonheur de revoir après 20 ans d'absence ? vous ne me reconnaissez pas. Cela se conçoit. J'ai bien changé. Ma barbe est presque blanche et ma figure est flétrie comme celle d'un vieillard. J'ai tant travaillé, j'ai tant souffert aussi. Ah, je vous ai bien cherché en 1859, quand j'ai appris le décret d'amnistie. Je suis retourné là-bas, dans la vallée du pauvre vieux Casimir. Vous étiez parti, ignorant sans doute que vous étiez libre. La lumière se fit alors dans l'esprit de l'ingénieur. Il se souvint. « Gondet, c'est vous, mon brave garçon. Moi non plus, je ne vous ai pas oublié. Si le changement apporté par l'âge à votre physionomie a pu me tromper un moment, le souvenir des services que vous m'avez rendus jadis ne m'a jamais quitté. Vous êtes vraiment bien bon, monsieur Robin, et je vous dis avec bonheur que je suis en tout et partout à votre service. Je vous remercie sincèrement, mon cher Gondet, et j'use aussitôt de votre offre. Tant mieux, demandez-moi donc quelque chose d'impossible. Nous verrons plus tard. Pour le moment, dites-moi donc à qui sont ces canots. Les deux chaloupes m'appartiennent. Je fais depuis ma libération le canotage depuis Saint-Laurent jusqu'à Hermina. J'emmène les provisions des mineurs et je rapporte la production du mois. Je sais ce qui vous amène. Pas possible. Oui, monsieur Robin. Vous allez me demander des nouvelles de deux voyageurs venant de France. L'un est un jeune homme, l'autre âgé d'environ 45 ans. C'est bien cela. Dites-moi vite où ils sont. Le plus jeune porte votre nom. Je l'ai lu sur des caisses lui appartenant. J'ai pensé qu'il était votre fils. Il vous ressemble tant, mais je n'ai pas osé le lui demander. Je me réservais de l'accompagner à destination afin de vous retrouver. Ils étaient ici tous les deux ce matin et sont partis au petit jour pour reconnaître un terrain aurifère dont ils sont concessionnaires. « Mon fils est ici ?» s'écria Madame Robin, incapable de se contenir plus longtemps. « Merci, monsieur, pour cette bonne nouvelle. Nous allons partir, n'est-ce pas » dit-elle à son mari. « Oh, madame !» reprit Gondet de sa voix basse. « Vous aurez du mal à les rattraper. Ils sont dans un petit canot construit sur le modèle de nos coques Bonnie. Même ce Charles qu'il a rapporté d'Europe doit être bien loin maintenant. Qu'importe, nous nous rapprocherons d'autant. Qu'est-ce donc ce bateau qui peut ainsi rivaliser avec une pirogue montée par nous ?» demanda Henri en développant sa puissante musculature. C'est, à ce qu'ont dit ces messieurs, un canot en papier, inventé par les Américains et construit en Angleterre. Il porte une petite machine à vapeur avec une hélice. Le tout ne pèse pas 120 kilos et cela file comme une mouette. Je les ai vus partir et je vous garantis que du train dont ils marchaient, ils doivent être à plus de 15 lieues. Ils ont d'ailleurs promis d'être de retour demain soir ou au plus tard. J'ai la consigne de les attendre ici. Ce chargement appartient donc à mon fils. Tout entier, monsieur. J'en ai là pesant plus de 15 tonneaux. Il y a de tout, du tafia, des haches, des sabres, du vin, des graines, des instruments aratoires, des barres à tabeur, des laveurs d'or perfectionnés, des marteaux pilons qui se démontent en plusieurs morceaux, pesant chacun 25 kilos, comme toutes les pièces de la machine à vapeur. Comment ? Il y a encore une machine ? Oui, monsieur, une merveille inventée, à ce qu'on dit ces messieurs, par un Parisien nommé De Bayeux. Ces deux caisses, cercles de cuivre, doublées de zinc, que vous voyez là-bas, contiennent de la dynamite. Quelle magnifique exploitation vous allez pouvoir faire avec tous ces accessoires. Si vous voulez travailler avec nous, Gondet, je serai heureux de vous donner une occupation lucrative. Nous avons besoin d'hommes énergiques, honnêtes et rompus à la vie des bois. Vous acceptez, n'est-ce pas? Vous me comblez, monsieur, et vous me faites bien de l'honneur. Je suis trop heureux de rester désormais près de vous. Mais, savez-vous, Gondet, dit tout à coup l'ingénieur comme frappé subitement d'un fait extraordinaire, que vous avez accompli un tour de force en remontant jusqu'ici le Maroni avec des embarcations d'un pareil tonnage. C'est M. Charles qui a tout fait. J'allais tout bonnement m'arrêter au bas du Sault Hermina. Mais votre fils est un homme comme vous. Il ne recule devant rien. Pour lui, l'impossible n'existe pas. Eh bien, me dit-il, est-ce que vous avez envie de rester ici indéfiniment ? Dame, monsieur, lui répondis-je, à moins d'avoir des ailes ou d'opérer le transbordement dans les pirogues, ce qui nous prendra au moins 2 jours, je ne vois aucun moyen de passer le rapide. Vous oubliez mon canot de papier et sa machine ? Nous allons vous remorquer tout cela et ce ne sera pas long. Ce qui fut dit fut fait. Le vaillant petit canot se cabra sous la houle du rapide. Les pirogues lui donnèrent un peu d'aide. Bref, on tira tant et si bien sur les amarres que nous passâmes sans avarie et sans avoir ôté 100 grammes de la cargaison. Les Robinson, étonnés et ravis, écoutaient avidement le récit des exploits de leur jeune frère et ne pensaient plus à remonter la crique pour se mettre à sa recherche. Leur mère, bien que tranquillisée par les affirmations de Gondet, réitéra sa demande près de son mari qui commanda l'appareillage. « Restez à votre poste, dit-il au patron des canots. « Je pense que nous allons rencontrer en route mon fils et son compagnon. » Il donna le signal du départ, et les deux pirogues s'enfonçaient rapidement dans la rivière qui se dirigeait vers l'ouest et formait par conséquent un angle droit avec le Maroni. Il pagayait depuis plusieurs heures et devait avoir parcouru une distance considérable. Le jour commençait à décliner. Dans peu de temps, il faudrait songer à installer le campement. Les Robinsons, ayant résolu d'aller le plus longtemps possible, accéléraient encore leur mouvement de nage. Un bruit lointain, une sorte de vaste frémissement continu et peu intense, frappa leurs oreilles. Ils s'arrêtèrent un moment, intrigués, sans deviner tout d'abord la cause de ce murmure qui allait grossissant. Tout à coup, le lit de la crique sembla s'arrondir dans ses berges devenues trop étroites. Le courant devint violent comme un rapide, l'eau monta brusquement. « Tiens bon, enfant !» dit de sa voix calme l'ingénieur. « Tiens bon et en avant, c'est l'inondation !»